franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Et si nous partions du côté d'Angoulême, Margaret? Pourquoi? Eh bien, pour y lire une bonne bande dessinée, dont je le sais, Marga, tu es fana. Ouais, mais j'aime pas les mangos, là, avec les dessins tout bizarres. En plus, il faut lire à l'envers, on n'est pas en Arabie. Heureusement, nos enfants n'aiment pas ça, ils n'en lisent pas. D'ailleurs, il n'y en a pas à la maison, comme ça, c'est réglé. Oui, par contre, nos chères têtes blondes apprécient particulièrement Tintin, pour les garçons, et Bécassine, pour les filles. Oh, alors, moi, j'adorais Loulotte, la cousine de Bécassine, la fille de Madame de Grantaire, chez qui Bécassine est servante. Ah bon, elle est servante, Bécassine? Mais oui, c'est une servante qui fait des bêtises. Ah, d'accord, comme quoi c'est vraiment pour les filles. Mais du dos. Et qui rejoignons-nous à Angoulême? Eh bien, c'est Dardirja. C'est Darija. C'est Ridaja, pardon. Ridaja. Radija. Voilà, alors Rardija ou Radirja? Je ne sais jamais où on met le H, moi. Ben, c'est facile, il n'y en a pas. D'accord. Nous vous écoutons, Jarida. Radija. Ouais. Alors, c'est plutôt un problème psychologique et physique, hein, aussi remarqué. Mmh. Voilà, j'ai 40 ans, je suis d'origine algérienne. Mmh. Je suis musulmane. D'accord. Mmh. Je porte pas le voile, mais je pratique et je suis croyante, mais je vis vraiment... Vous êtes née où? À Créteil. Je suis française. Oui, enfin, vous êtes née en France. Et vos parents, ils ont débarqué quand? Débarqué? Je ne sais pas si le mot est très... Non, excusez-moi. Pardon. Et quand on descend d'un bateau, eh ben on débarque. Hein. On peut plus rien dire. Mes parents sont arrivés dans les années 60. Ma mère était enceinte de moi. D'accord. C'est parce qu'elle était enceinte qu'elle a décidé de s'installer chez nous. Écoutez, j'appelle pas pour mes parents... J'appelle pour ma fille, en fait. Oui, oui, mais vous savez, c'est important. Hein, j'ai besoin de savoir votre parcours pour connaître le pourquoi, du comment, de votre... Hein. Oui. Ah, donc, ma fille a vécu ce que je pensais impossible à notre époque et je suis atterrée de voir que ça existe encore. C'est un peu gênant. Bon. Allez-y, il n'y a rien de gênant sur cette antenne. D'accord, merci. Alors, ce qui se passe, c'est que ma fille connaît son premier amour et ce garçon, qui est marocain, pour qu'elle reste vierge pour son mariage, refuse de lui faire l'amour de manière, disons, classique. Et ma fille souffre de cette pratique physiquement et moralement. C'est-à-dire, quel genre de pratique? Philippe. Toute, sauf celle qui pourrait la déflorer. Mmh. Mais encore? Ah, écoutez... Je suis médecin, Ragira. Alors, donc, ils sont nus ou alors très dévêtus. Hein, elle peut très bien avoir gardé son petit string rouge, hein, peut-être, je dis ça au hasard. Ou alors vraiment, bah, juste un shorty tout simple, un peu transparent, hein, j'en sais rien. Moi, après tout, ça ne me regarde pas. Écoutez, alors... docteur, moi, je récupère ma fille en pleurs. Elle a 16 ans, elle ne veut pas quitter ce garçon qu'il aime sincèrement, hein, d'ailleurs. Vous savez, les filles pleurent beaucoup. Hein. Oui, oui. C'est vrai, sauf que ma mère m'avait parlé de cette pratique, hein, à laquelle moi et une partie de ma génération avons échappé. Mmh. Mais je pensais pas qu'en 2012, en France, des jeunes remettraient au goût du jour cette pratique rétrograde. C'est quand même une hypocrisie totale. Je vois pas en quoi on est plus vierge en faisant ça. Ah ben si. Et là, c'est le médecin qui parle. Hein. Tant que l'hymen n'a pas été rompu, on reste vierge. Hein. Alors, donc, oui, alors, elle a les dessous donc, qu'on veut. Hein. Alors, il arrive derrière elle. Hein. Alors, elle est allongée sur le ventre. Oui, non, alors, mais Philippe, je crois que c'est clair. Alors, oui. Elle se plaint beaucoup? Oui, oui. D'abord, elle n'aime pas ça physiquement. Et puis, elle se sent un peu utilisée. Mm. Elle trouve ça dégradant. Il dit tout le temps qu'il faut qu'elle reste vierge. Du coup, ça rend tous les rapports sexuels très culpabilisants et elle a l'impression de commettre une faute grave hein, à chaque fois. Et en plus, elle n'y prend aucun plaisir. Ah oui, ben non, il faut pas qu'elle ait mal. Hein. Il faut qu'elle lui dise qu'il s'y prend pas bien. Non, mais c'est pas le problème. Alors, attendez, excusez-moi, mais je suis un peu effrayée, Vanina, quand je vous écoute. Vous arrivez à parler de ce genre de pratique sexuelle avec votre propre fille? Ben, c'est elle qui s'est confiée à moi. Heureusement qu'on peut parler de choses aussi importantes que ça. Hein. Et puis, elle rentre pas dans les détails hein, non plus. Ben, quand même. Mais non, là, c'est pas un détail. C'est pour ça qu'elle m'en parle. Elle a beau l'aimer, elle sent qu'il y a quelque chose qui lui convient pas. Et elle a besoin de m'en parler. Bon, moi, en tout cas, j'aimerais pas du tout que mes enfants me racontent ce qu'ils font sous la couette. Mmh. Alors, vous savez, ça, c'est votre vision des choses. Et si ça se trouve, elle aime ça. Et elle culpabilise d'y prendre du plaisir, expie sa faute en vous la faisant partager. Et là, c'est la psychothérapeute hein, qui vous parle. Non, ma fille est effondrée quand elle m'en parle. Oui, oh oui, mais alors ça, c'est la rengaine des ados. Je suis effondrée, maman, la vie est trop injuste. En même temps, c'est très noble de la part de ce garçon de vouloir préserver la virginité de votre fille. Mmh. Non ? Vous devriez être assurée qu'elle fréquente un garçon plein de principes. Et puis, je crois savoir, en plus, que cela réduit considérablement les chances de tomber enceinte. Mmh. Enfin, c'est pas parce qu'il a ses principes que ça correspond aux valeurs de ma fille. Mais ils sont deux dans l'histoire, docteur. Bah oui, mais c'est normal, ça. C'est quand même le garçon, c'est lui qui décide. Bah on va pas non plus Tout quoi ? Bah tout chambouler pour... hein ? Alors, je peux vous donner un conseil, Rhin ? Si votre fille refuse à tout prix cette pratique, eh bien, je lui conseille la pratique classique, hein ? Et puis avant de se marier, elle se fait recoudre l'hymen. Mais ma fille ne tient pas particulièrement à être vierge pour son mariage. Ah bon ? Bah écoutez, faudrait peut-être qu'elle apprenne que dans la vie, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Je vois pas le rapport. Ben oui, mais... Faut peut-être le voir. Ben oui, vous feriez peut-être... Vous feriez peut-être mieux... Voilà. Merci en tout cas, Rachida. Merci, Rachida. Ah là là là là. Nos ados. Nos adolescents. Eh bien, pas de petite citation ? Ah non, là, je vais avouer que... Rachida m'a séché. Oh, oh. Oui. Enfin bon, cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet. Merci à lui. Au revoir, Margaret. Au revoir, Philippe. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.